Marianne, merci pour ton temps. Tu viens de sortir ce premier CD qui s'appelle Espace Libre, un disque de piano solo qui est plein d'idées, plein de talents. Merci, un disque qui peut être réfléchi, beaucoup d'influence par tous les artistes que vous avez écoutés, avec qui vous avez aussi travaillé pendant ces débuts de carrière. Tu veux nous en parler de manière d'avoir une idée du parcours qui t'a amené à ce premier ouvrage? D'accord. Donc, bon, mon parcours, j'ai débuté mes premières leçons de piano à l'âge de 6 ans. Et puis, évidemment, comme beaucoup de pianistes, j'ai débuté avec une formation classique. Moi, je viens d'un village proche de la ville de Québec. Donc, je suis allée au Conservatoire de musique de Québec. Et ensuite, je suis déménagée à Montréal parce qu'il y avait à ce moment-là un programme d'arrangement pour Big Band. Et c'était complètement nouveau, mais c'était quelque chose qui m'intriguait. Donc, j'ai fait un an en arrangement jazz pour une formation Big Band qui était vraiment une révélation pour moi. J'ai vraiment découvert le jazz à ce moment-là. Et ensuite, j'ai poursuivi à l'Université McGill. J'ai fait un baccalauréat en interprétation du jazz. Bon, ensuite, j'ai décidé d'arrêter momentanément mes études pour travailler, pour voyager. Et puis là, bon, j'ai travaillé comme pianiste, j'ai travaillé comme compositrice dans plusieurs domaines différents au niveau des styles musicaux, tant la musique classique, la chanson aussi. Je suis allée à Paris. J'ai accompagné des chanteurs, dont Charles Aznavour, qui était une très belle expérience pour moi. J'ai aussi accompagné des gens vraiment. J'aime beaucoup la musique du Brésil, donc tant le folklore que la bossa nova. J'ai fait des trucs en tango. Disons que j'ai ouvert mes horizons le plus possible. Et puis, donc présentement, j'ai décidé de retourner aux études pour faire une maîtrise en ethnomusicologie. Donc, au niveau des influences musicales, il y a un tas de trucs. Ça serait très long à énumérer, mais comme vous pouvez voir, j'ai vraiment un intérêt musical assez éclectique, là, des choix assez variés. Et Espace Libre est aussi un CD très varié, avec une myriade de petits morceaux, qui sont 16 en tout, qui en général on peut l'appeler des jazz tunes, mais avec de fortes excursions mélodiques, quelques parenthèses aussi de free jazz. Et ça signifie que vous êtes encore peut-être à la recherche d'un sous-genre que vous voulez explorer ou tout simplement que vous voulez maintenir cette ampleur de perspective dans l'avenir. Ben, c'est une très bonne question. J'ai décidé d'appeler mon premier album Espace Libre. Premièrement, c'est une autoproduction et ce n'est pas pour rien. Il y a une raison à ça, c'est que justement, à l'heure de l'uniformisation et bon, c'est très difficile pour les artistes d'avoir carte blanche avec des maisons de disques, tout ça. Et moi, j'avais vraiment envie, pour un premier album, d'être libre. C'est vraiment de laisser parler toutes les influences qui sont en moi, qui m'ont fait, qui ont, disons, façonné ma formation musicale. En même temps, c'est vrai, il y a des pièces sur cet album-là qui sont plus, comme vous dites, des jazz tunes, des plus standards dans la facture. Il y a d'autres que c'est plus exploratoire, disons. En même temps, je crois qu'il y a une ligne quand même directrice dans tout ça. C'est vrai que je suis encore jeune, j'ai 27 ans. Je me laisse le temps aussi de définir davantage avec le temps ma voix, ma signature. Pour l'instant, j'avais vraiment envie de ne pas me restreindre. Déposer des limites, hein? Ouais, c'est ça. J'avais pas envie de limite pour l'instant. Et j'avais envie que les limites s'imposent d'elles-mêmes au lieu de me censurer au départ. Donc, c'est pour ça qu'il y a une variété d'influences qu'on peut entendre. Puis en même temps, j'ai pris soin de façonner le disque pour qu'il y ait un sens à tout ça, une espèce d'organicité, un fil conducteur. Ah oui. Et disons que ici en Italie, nous tendons à associer volontiers le Canada aux grands espaces, au froid et aussi à l'absence du son. Aussi, à l'intérieur de la boîte de CD, vous avez écrit que le silence est la plus belle musique du monde. Et en effet, dans quelques morceaux, il me semble que vous avez un très beau dialogue avec le silence. Ce qui me pousse à aller en profondeur à te demander quel est ton rapport avec le silence. Oh wow. Pour moi, le silence, je crois que c'est la chose la plus importante dans ma vie. Et quand j'en ai pas assez, j'en souffre énormément. C'est sûr que j'aimerais que l'hiver dure plus longtemps, mais donc le silence, oui, le silence, c'est primordial. C'est ce qui permet justement de se recueillir. C'est ce qui permet je pense que c'est ce qui permet à la musique de naître. S'il n'y a pas de silence, pour moi, c'est impossible enfin de composer. C'est impossible de profiter, même de contempler le silence. Pour moi, c'est essentiel. Quand on s'entend, quand je dis silence, pour moi, si je vais dans la nature, pour moi, ça, c'est l'idéal. C'est un silence qui je ne prétends pas rechercher le silence absolu, mais enfin quand même un certain calme pour profiter, ouais. J'étais vraiment frappé par la manière très personnelle avec laquelle vous avez soigné soit la promotion et aussi la distribution de votre CD. Jusqu'à présent, vous avez fait des concerts dans votre pays, mais des entretiens sur les radios comme CKUT. Et tout cela est vraiment différent par rapport au système de promotion des nouveaux artistes ici en Italie, où l'industrie discographique contrôle tous. Nous n'avons pas de radios accès libre comme CKUT, et aussi les concerts, les grands festivals de l'été sont dans les mains d'un cercle très, très étroit des personnes. Et n'avez-vous quelques conseils pour les jeunes talents qui veulent se faire écouter? Ouf, ben, vous savez, c'est très difficile à Montréal aussi, hein. C'est un Ouais. petit peu la même chose partout au niveau des festivals. Vous voyez, même cette année, je viens de sortir un disque, mais ma candidature n'a pas été retenue dans les grands festivals parce qu'évidemment, il faut être avec les majeurs. Puis bon, c'est toujours la même histoire un peu Ah ouais. partout. Par contre, de ce que je comprends, effectivement, peut-être que à Montréal, on a un petit peu plus d'opportunités au niveau des radios indépendantes. Mais encore là, vous savez, il y a tellement de gens qui sortent des disques, il y a tellement de gens qui font des trucs. Je pense le seul conseil, c'est la persévérance. Le seul conseil, La force de volonté. la force de volonté et puis l'intégrité aussi. Ah ouais. Et c'est un peu pour ça que j'ai décidé d'autoproduire mon album et d'y aller vraiment, de se faire confiance puis de pas avoir peur, de rester soi-même, c'est vraiment ça, parce que c'est comme ça que je pense que avec le temps, on est gagnant, parce que de toute façon, c'est la seule manière de vivre intensément, c'est l'intégrité. Puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais au final, on aura fait ce qu'on devait faire. C'est un peu ça. Ah oui, ben, je suis d'accord. Et pour terminer, je vous pose la question classique sur votre projet en cours, si vous pensez à une tournée, et s'il y aura aussi un CD avec peut-être la collaboration d'autres artistes. Oui, tout à fait. Je suis déjà en préparation pour un deuxième disque. Évidemment, j'avais pris la décision de prendre, de faire le premier disque piano solo, non pas parce que c'est ce que je préfère. J'adore jouer avec d'autres musiciens. Je compose beaucoup. J'ai un ensemble ici à Montréal de 12 musiciens. Et bon, pour des raisons et pratico-pratiques et aussi pour une raison de défi, je trouvais que c'était un beau défi de se retrouver piano solo comme ça. Mais pour le deuxième album, il y aura certainement des pièces en trio parce que c'est une formation bon, classique Classique. que j'adore énormément. Et il y aura des pièces avec un grand ensemble aussi. Et pour ce qui est de la tournée, j'accepterai volontiers une invitation de l'Italie, n'importe quand. Évidemment, c'est dans mes plans d'aller en Europe. J'essaie de voir la meilleure façon de le faire. Comme je vous dis, j'ai déjà habité à Paris pendant plus d'un an, donc j'ai quelques contacts là-bas. Mais c'est vraiment dans mes plans, disons, à moyen terme, d'aller de m'organiser pour aller faire quelques concerts là, en Europe.